Salut David. Salut. On est sur une action des cheminots là. Ouais. Blocage, Interpro. Interpro, oui. Ouais. Tu veux nous expliquer pourquoi on est ici ? Bah, on est toujours contre la réforme de la retraite par points et donc on continue puisque apparemment, même si certains syndicats pensent avoir gagné quelque chose, on n'a absolument rien gagné. On change le terme d'âge pivot en un autre terme que je ne sais même plus et en fait c'est du foutage de gueule déjà. Et puis le point final ce sera quand M. Macron et son monde supprimeront tout simplement la retraite par points. Et jusque là, tant que ce ne sera pas fait, il y aura des blocages. Ça va s'intensifier, ça va être des blocages de plus en plus pointus, de plus en plus forts. Et on va continuer quoi. Toi, t'es cheminot à Sotteville ? Oui, toujours cheminot à Sotteville, en grève depuis je sais même plus combien de jours. On approche dans les 40 jours, je crois, où on a dû les passer. Ça doit pas être simple financièrement ? Pardon ? Ça doit pas être simple financièrement ? Pour l'instant, on n'a pas encore été touché, puisque nous, le décompte de salaire se fait un mois après. Donc ça va être fin janvier qu'on va avoir le salaire à zéro, mais voilà. Moi personnellement j'avais prévu, je savais et je sais que c'est une grève qui allait durer. T'as un plan épargne blocage ? On va dire ça. Le peu d'argent que je peux mettre de côté, je le mets pour les grèves. Et les caisses de grève, ça va aider un peu ou c'est... Les caisses de grève vont aider un peu, effectivement. On devait voir aujourd'hui en intersyndical au niveau local comment on va répartir la caisse de grève avec la somme que l'on a et on va essayer de gérer ça rapidement pour que dès la fin du mois, dès que les salaires vont tomber, qu'on puisse commencer à en distribuer. Elles sont bien alimentées ? Vous sentez de la solidarité de ce côté-là ou pas ? Elles sont bien alimentées, je dirais ça va permettre d'améliorer entre guillemets la fin du mois quoi. Ouais. Okay. De pouvoir racheter des paquets de pâtes, plutôt que rien. Voilà, des pâtes ou des patates. Merci. Donc là, toutes les voitures sont... Enfin, les voitures passent au goutte à goutte. Mais tous les camions sont à l'arrêt complet, ce qui fait une file de plusieurs kilomètres de camions très rapidement ici. Est-ce que quelqu'un sait ce que font les dockers là ? Ils bloquent quelque part ce matin ? Les dockers ? Ouais. Bah, ils sont dans l'action port-mort pendant 72 heures. Ouais. Les dockers sont dans l'action. Ouais, c'est sûr. Tous les ports de France. Déjà la semaine dernière, ils avaient été bloqués 72 heures. Port mort pendant 72 heures. Ouais, il recommence. Mais les médias ne le diffusent pas. Non, sauf certains médias. Voilà. Il y a une couverture médiatique. Et pas toujours honnête. Ouais. J'écoute par moments. C'est grave. Ah ouais. Il y en a journalistes, ils sont pas. Ils ont pas un code de déontologie normalement. Ouais, normalement, ouais. Bah, c'est de diffuser l'information quoi. Ouais. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais contrairement à ce que certains médias disent que c'est que les cheminots qui sont en grève, c'est contre la réforme de retraite. Pour tout le monde. Même pour les retraités, parce que les retraités, j'en fais partie, on dit que ça va pas être touché, mais les pensions déjà. Moi j'ai un copain, il est parti il y a 25 ans en retraite, et même montant que moi, il est parti il y a 3 ans. Alors si on fait un calcul... Il fallait mieux être vieux il y a 25 ans que maintenant quoi. Ouais. Non, et puis on se bat pour nous, mais pour les générations futures. Nos gamins, nos petits-enfants. J'en ai pas encore, mais moi, j'en ai. J'ai des enfants qui sont dans la précarité. Même pour toi, parce que t'es pas trop vieille. Bah oui. Carlos Ghosn, là, lui, il s'évade de prison en jet privé, chercher l'erreur. Et puis il a une tribune dans les médias, quoi. Ouais. Alors, c'est le nouveau héros. le chauffeur, il va falloir qu'on le relaisse partir. On lui a promis qu'il roule depuis 19h. Ouais. On n'avait pas dit tout en bas. C'est vrai ? Ok. Ah bah, Bah, j'ai hâte. Faut que j'aille dormir, moi. Ouais. Bah, là, vous avez pu vous reposer un peu, non? Bah, j'ai commencé à 19h30. Ah ouais, ouais. Vous avez roulé toute la nuit, là. Ouais. 6h30 du mat. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ok. C'est pas facile, mais bon, hein. On est obligé. Ouais. Et vous comprenez, là, le blocage? Je sais pas trop. Je crois pas, non. Non, mais bon. J'ai juste envie d'aller me reposer, c'est tout. Des journées de 12 heures, et... encore si je commençais ma journée, ça irait, mais là... Journée de 12 heures qui se passe la nuit, en plus, quoi. Qui se passe la nuit, ouais. Bah, bon courage à vous. Merci. Au revoir. Donc là, la voie est libérée pour ce chauffeur fatigué. Mm-hmm.